vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi, les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les yeux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Avec joie et confiance, pour un bonheur parfait et une destinée éternelle. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons.